Ma musique, pas un effet de mode, mais un exutoire. Pour ceux qui souhaitent y croire, partie d'un rêve, on pourrait tout avoir. Faut en vouloir, observe le reflet, l'image d'un combattant qui est une vérité. Un jour qui passe, enfonce des gens dans la précarité. Seul on ne pourra rien faire, faut être solidaire, faire des pompes, être opé, être en forme, mon reflet. Ce système nous met de côté, on n'est pas venu michetonner. Ça t'empêche, fais ce que t'as à faire. Sois le plus rigolo possible, mais sans jamais te laisser faire. Ce monde est ribou, ouais mon petit loup, tu fais le fou. N'importe lequel roi ici va peut te percer le cou. J'ai ramené ma peine, la même que la tienne. Nos vécus s'en mêlent, les gens nous séparent. Pas le montant de la paye, si ça garde la tête haute, c'est tout ce qu'on veut pour toi. Beaucoup veulent ton poulet, l'auront si tu te respectes pas. Mes paroles sont vraies, normal, tu pètes un cabre. Dans ce cri, nos portraits, je l'immortalise sur la toile. Faut du cash flow pour tout négro, sans le micro. Faire péter le compte à parasiter ce qui gouverne ce monde. Mes paroles sont vraies, normal, tu pètes un cabre. Dans ce cri, nos portraits, je l'immortalise sur la toile. Faut du cash flow pour tout négro, sans le micro. Faire péter le compte à parasiter ce qui gouverne ce monde. J'ai pas de peine d'appareil, qu'elle ne m'aime pas. Ne me demande pas de marcher ou pas, mon caractère ne fait pas ça. Faya et me ferait pour maquer pas ça. La vie trop instable alors croque là et basta. Pas de vision de carrière, c'est pas qu'on s'en bat les couilles. On aime pas votre galère, trop nous mettre des barrières. On a pas de marche arrière, les banques ont fermé les frontières de l'indépendance financière. Barricadés sont mes frères sur le rinté. Hélicoptère illumine le pavé. Pas de porte à part, faut qu'on soit tous parés. Sans manière autant de départ, on cesse pas séparer. Vous appelez ça, tout s'il est dans chez nous c'est le système. Des vrais molaires, faut en avoir sinon c'est galère. Pareil, même nos visions deviennent cellulaires. On a l'air trop déter, plaqué dans l'ombre de nos lampadaires. Mes paroles sont vraies, normal, tu pètes un cabre. Dans ce cri, nos portraits, je l'immortalise sur la toile. Faut du cash flow pour tous mes gros, sans le micro. Faire péter le compte à parasiter ce qui gouverne ce monde. Mes paroles sont vraies, normal, tu pètes un cabre. Dans ce cri, nos portraits, je l'immortalise sur la toile. Faut du cash flow pour tous mes gros, sans le micro. Faire péter le compte à parasiter ce qui gouverne ce monde.